moi j'oublie toujours quelque chose. Ma tête c'est une vraie passoire. J'ai mon cerveau en cellulose. C'est peut-être mieux aller savoir. Ça m'a commencé tout petit. Aux examens de fin d'année, je restais au fond de mon lit. J'oubliais de me réveiller. Et mon père, et mon père, et ma mère, et ma mère, mon bon maître, mon bon maître, me disait quand on me parlait de ma tête, moi je regardais mes chaussettes. Ta tête où ? Ta tête où ? J'avais une bleue, j'avais une verte. Est-ce un défaut d'être poète ? Ta tête où ? Ta tête où ? Marinette, c'est toute une histoire. J'avais oublié le rendez-vous. J'ai fait un nœud à mon mouchoir. Un mouchoir pour penser à eux. Puis je vous ai aimé très fort. J'ai oublié notre amitié. Même partie, je vous aime encore. J'en oublie de vous oublier. Mes amis, mes amis, mes copains, mes copains, mon patron, mon patron, me disait ta ta tête où, ta ta tête où. Quand on me parlait de ma tête, je voyais celle de Marinette. Ta ta tête où, ta ta tête où. J'aurais épousé Marinette, je serais un marionnette. Puis j'ai fini par me marier. J'ai fait une croix sur les copains. Faut pas croire que je les ai oubliés. Mais ils ont pris le même chemin. Aujourd'hui on a trois enfants. C'est pas de ma faute si moi je m'y perds. Même si ça revient tous les ans, j'oublie fêter anniversaire. Et ma femme, et ma femme, les enfants, les enfants, ma belle-mère, ma belle-mère, me disent tout le temps ta ta tête où, ta ta tête où. Quand on me parle de ma tête, moi j'en vis Marie-Antoinette. Ta ta tête où, ta ta tête où. C'est pas de ma faute si j'ai pas de tête. Au moins j'ai pas une mauvaise tête. Ta ta tête où, ta ta tête où. Quand on me parle de ma tête, je voyais celle de Marinette. Ta ta tête où, ta ta tête où. C'est pas de ma faute si j'ai pas de tête. Au moins j'ai pas une mauvaise tête. Ta ta tête où, ta ta tête où, ta ta tête où, ta ta tête où. Ta ta tête, ta ta tête, ta ta tête, ta ta tête, ta ta tête.